France Musique. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here. Venez. This is the prophecy. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Oui, bonjour à tous. Chaque mois, 42e rue, le brunch de France Musique au goût de comédie musicale vous fait son cabaret, un concert en direct et en public de la Maison de la Radio au studio 105. Et ce matin, c'est une expérience inédite que nous vous proposons. Ils sont tous là, vous pouvez les applaudir. Quatre musiciens, Antoine Lefort, William Rollin, Nicolas Didier, Peter Corser, avec leurs instruments, piano, guitare acoustique, guitare électrique, banjo, cornemuse, sax ténor, clarinette, batterie et autres percussions. Et cinq comédiens chanteurs. Florence Alérac, Chloé Horry, Perrine Maigret, Pierre Babola et Thierry Bilisco. Ce matin, ils vont totalement improviser en direct une nouvelle et unique comédie musicale inédite. Dans un instant, nous allons tirer au hasard son titre parmi tous les mails que vous, auditeurs de France Musique, nous avez envoyés et que vous aussi, qui êtes dans la salle au studio 105 ce matin à 11h02 à Radio France, avez écrit et que nous avons tous mis dans l'urne. C'est le concept de cette troupe menée par Florian Bartsch qui s'intitule New. Exactement comme au match d'improvisation, vous nous expliquez, bonjour Florian d'abord. Bonjour. Comment ça va se passer exactement cette heure? Nous allons créer une comédie musicale improvisée. Ça veut dire que les musiciens vont composer les chansons, les musiques. Les comédiens chanteurs vont improviser des personnages, une histoire, des chansons, des paroles qui riment. Notre infographiste illustratrice Aurélie va dessiner des images, voilà. Et également, les techniciens vont improviser le son. Parce que même ça, c'est une aventure, parce qu'ils savent absolument si on va faire un numéro piano, ou un numéro reggae, ou un numéro salsa, on ne sait pas encore. Donc, tout sera improvisé de A à Z ce matin. Alors, vous avez été très nombreux à nous écrire par mail. Ce qu'on vous demandait, c'était quoi? C'était trois idées. Un titre inédit de comédie musicale, comme celui que Nathalie Piolet vient de nous donner. Voilà, pas West Side Story numéro 2, ça serait trop simple. On vous a demandé un lieu où débute le spectacle, et puis quatre notes qui serviront de thème musical principal. L'urne est là, juste à mes côtés, bien rouge, à vos côtés, Florian Bartsch. Vous voulez bien l'ouvrir? Alors attendez, donnez-moi. C'est un mail reçu le dimanche 11 octobre à 17h28, reçu de Sylvaine Bénézet. Alors je le dis, vous êtes très concentrés les comédiens là, je vois. Hein. Waouh. Ça s'intitule votre comédie musicale ce matin, Les fruits de Shinkuji. Voilà. Alors ça se situe, je vous le dis, dans un bar la nuit. D'accord? Ça vous va? Alors, je répète, la comédie musicale que la troupe de New va improviser intégralement en direct sur France Musique pour vous ce matin s'intitule « Les fruits de Shinkuji ». Ça se déroule dans un bar la nuit. Et nous avons demandé aussi, et donc Sylvaine nous a donné les quatre notes de musique du thème musical. Alors, Antoine est le directeur musical. Je vous demande de les jouer, ces quatre notes. C'est « La, Si, Do, Ré ». La, Si, Do, Ré. Alors, Florian, expliquez-nous ce qui va se passer là maintenant. Alors, ils vont créer, les musiciens, un leitmotiv, un thème musical pour débuter le spectacle. Donc, le piano, la guitare, le saxophone vont créer ensemble une ouverture musicale pendant les comédiens se costument et se préparent pour le début. Antoine et tout l'orchestre de New, allez-y, improvisez, c'est à vous, merci. Thank you. La troupe New improvise ce matin en direct sur la 42e rue de France Musique, une comédie musicale inédite. Ils font ça régulièrement. Et le titre qui a été tiré au sort, là, il y a exactement 5 minutes, c'est « Les fruits de Shinkuji », une proposition de Sylvaine Benezet. Ça se déroule, et on a entendu un peu à cette musique improvisée au saxophone, la nuit, dans un bar, tout est improvisé, les acteurs sont en place, que le spectacle commence. Toi, oui toi, écoute-moi bien, tes pas t'ont guidé jusqu'ici, tu es dans la rue du Vieux Lac, oseras-tu pousser la porte de notre cabaret? Ok, d'accord, comme ça, il a l'air un peu grave, l'ami Gustave, mais il peut vous préparer des cocktails à vous faire voler. Pendant que derrière, jusqu'à tard, nos filles se préparent. Attention, 1, 2, 3, départ. Soyez pas taciturne, cabaret nocturne. Soyez pas taciturne, cabaret nocturne. Soyez pas taciturne, cabaret nocturne. Soyez pas taciturne. Me fait Gigi, voilà plusieurs années que je passe toutes les nuits à vous séduire, à vous entourlouper. L'ouverture complètement improvisée au Studio 105 de cette comédie musicale inédite qui s'intitule « Les fruits de Shinkuji ». Florian Bartsch, c'est vous qui avez créé cette troupe qui s'appelle New. Ça paraît incroyable de pouvoir improviser en direct live une comédie musicale. Comment elle est née, cette idée? Et là, par exemple, on a vu déjà créer des personnages devant nos yeux. Il y a un barman, il y a une jeune femme, on ne sait pas très bien ce qu'elle fait. Gustave. Gustave, c'est donc a priori le patron du bar, si j'ai bien compris. On va découvrir les différents côtés de Gustave. Et pour ta question, donc, on est tous fans de la comédie musicale. Et on aime bien improviser. Donc les musiciens viennent de différentes origines, du jazz, de l'orchestre de l'armée, des fanfares, du rock très différent. Les comédiens également, ils viennent du monde lyrique de comédie musicale. Et donc on a créé cette aventure ensemble pour pouvoir créer ensemble, s'écouter ensemble et créer en direct donc une histoire. Donc nos spectacles ont vraiment toujours un début et une fin. Donc c'est pas des petites sketchs, des chansons improvisées, c'est une histoire improvisée. Et on peut dire qu'il y a une ossature, à savoir que chaque spectacle commence comme ça avec un grand numéro. Bah, pas forcément. Donc, on a ouvert déjà par un monologue très très intimiste avec le violoncelle par exemple et une petite prologue. Voilà. On a ouvert déjà. On a joué en Bretagne sur un cimetière. Donc, c'était les morts qui ont dansé. Donc, avec une personne qui travaillait sur le cimetière. Donc, chaque début de spectacle est différent, adapté au titre. Donc, ce matin, c'était les fruits de Shinkuji. Donc, a priori, un univers un petit peu japonaisé. On a interrompu le premier acte. Maintenant, on va le laisser se dérouler intégralement. Il dure à peu près 10 minutes, la suite de ce premier acte. Je vous propose de retrouver les comédiens chanteurs Florence Alérac, Chloé Horry, Perrine Maigret, Pierre Babola, Thierry Bilisco, qui improvisent devant vous la suite de cette comédie musicale qui s'intitule « Les fruits de Shinkuji ». Et il nous en fait voir de toutes ses couleurs, ce bar, hein, Gustave. Encore une soirée, une nuit de folie. Encore une nuit de folie, t'as bien dit. Qu'est-ce que c'est que... Ils nous laissent toujours leurs habits, on sait pas trop ce qu'ils font avec. Ben oui, mais après tout, ça fait partie de la fête, ça. C'est mais vrai. Oui, mais c'est... Quand les gens... Stop. Donc, il vient de trouver un habit. Quel type d'habit elle vient de trouver? Donc, public, dites-moi vite. Un collant. Quelle couleur? Un collant bleu. Merci. Quand les gens quittent le bar, notre cabaret, eh bien, je veux qu'ils soient les yeux encore pétillants de ce qu'ils ont vécu pendant la nuit. Mon Gustave, avec tous les collants qu'on ramasse ici, tu vas pouvoir ouvrir une collanterie, je te le dis. Regarde-moi ça. Ça a appartenu à qui, celui-là? Jeune femme, 35 jeune ans. Jeune femme, 35 ans. Bien sous tout rapport. Bien sous tout rapport. Bien sous tout rapport. Bien. Ça fait combien de temps que tu bosses ici, toi, mon Gustave? Ah ben, je suis là depuis l'ouverture. Oh! Oui, depuis l'ouverture. Oui, depuis l'ouverture. C'était en 83, je crois. Oui! Automne 83, enfin je crois. Enfin tu crois! Au début, il n'y avait que peu de clientèle. Et puis rapidement, ma foi, nous avons eu du monde et la vie est devenue belle. Souvenir magnifique, souvenir fantastique. Mademoiselle, installez-vous. Je sais. Oh, tu veux pas ouvrir, ça sent fort ici. T'as travaillé déjà toute la matinée, c'est ça? Oh, non. Corps d'athlète. On peut démarrer cette répétition, mademoiselle? Oh, j'ai mal partout, ouais. Tellement dansé hier. Allez, vous allez me faire une première barre, vous commencez par une série de 5 abdominaux, allons-y. Okay. Je veux des ventres plats et des fesses galbées. La fesse galbée, bah bien sûr. Le ventre plat. Après la tarte tatin que je me suis enfilée à 5h du mat. Ok, tu joues à ce jeu-là? Pas du tout. Va me chercher la balance, dépêche-toi. Va me chercher la balance. Mais tu plaisantes. Dépêche-toi. Mais on l'a déjà fait la semaine dernière. Est-ce qu'il faut que je retire mon masque? C'est pas possible. La voilà. Ok. Monte et tu mets les deux pieds cette fois-ci. Je peux enlever mes chaussons? Vas-y, enlève, chérie, enlève. Bon, je vais me mettre toute nue, peut-être que sans le soutien-gorge... Oh, écoute. Je t'écoute. Oh, et si je me mets sur la pointe des pieds, peut-être que je gagnerai un peu, non? Freeze, j'aimerais bien la réponse en chanson. Dites-moi un style musical, elle va répondre en chanson. Salsa. Salsa, oh, merci, une salsa pour le point. Par rapport à hier, le calvaire, ne pas manger, avoir la tête en l'air, y a rien à faire, j'ai faim. Le poids, le gras, je ne tolère pas ça, non, le poids, le gras. Je ne tolère pas ça, le poids, le gras. Je ne tolère pas ça, le poids, le gras. Je ne tolère pas ça. sucré. Moi je rêve d'un éclair au chocolat. Oui mais je ne peux pas. Je voudrais manger toute la journée. Mais je ne peux pas, je ne peux pas. Le poids, ah, le poids, ah, je ne tolère pas ça. Encore une fois, le poids, ah, le poids, ah, je ne tolère pas ça. Non, non, non, ah, le poids, ah, le poids, ah, le poids, ah, je ne tolère pas ça. Par ici, le marché aux fleurs, messieurs, dames, c'est par ici. Nous avons des myosotis tout frais, fraîchement cueillis. Madame Joséphine, oh, c'est moi, c'est Gustave. Gustave. Oui. Vous êtes bien matinal aujourd'hui. Oui, ben oui, mais j'ai choisi de venir directement à la fermeture du cabaret. Vous venez encore chouchouter vos artistes, oui, avec des fleurs coupées. Oui, vous le savez, j'aime que dans leur loge, il y ait systématiquement un bouquet de fleurs. Si tous les hommes pouvaient être romantiques comme vous, Gustave. Oh, arrêtez, le monde me gênez. Serait beaucoup plus simple. Vous me gênez, mademoiselle Joséphine, vous me gênez. Vous savez, pour que mes danseuses donnent le meilleur d'eux-mêmes, je me dois de les chouchouter. Si elles se sentent aimées, appréciées avant d'entrer en scène, eh bien du coup, elles donnent tout ce qu'elles ont, le meilleur d'elles-mêmes. Bonjour, monsieur Gustave. Bonjour, Gwendo. Alors, je vais donc prendre des myosotis tout de suite pour Barbara. Très bien. Et pour la petite Isis, comme d'habitude. Pour Isis, des Isis. Des Isis. Enfin, des Iris, pardon. Et vous êtes toujours aussi drôle. Toujours. Voilà. Il y a également pour Lexi. J'aimerais pour Lexi prendre peut-être... Oh, je sais, de très beaux œillets. Des œillets, mais oui, des œillets. Bonjour, monsieur Gustave. Ah, bonjour. Hello, Gustave. Bonjour. Oui, je connais tous les gens du quartier. Mais oui, mais oui, parce que, vous savez, je suis le cabaret le plus fréquenté de toute la ville. Vous le savez. D'ailleurs, mademoiselle Joséphine, venez un de ces soirs. Oh, je ne sais pas. Vous savez, je dois me lever très tôt pour aller à Rungis, pour récupérer toutes ces fleurs et je... Vous travaillez donc 7 jours sur 7? Oui, 7 jours sur 7. Oh oui, puis s'il pouvait y avoir 8 ou 9 ou 10 jours dans une semaine, je pense qu'à mon avis, ce ne serait pas de trop pour nous. Mettez-moi quelque chose. Au prochain jour férié... Des fleurs, monsieur. Non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Salut, Gustave. Super soirée hier. Salut, Raoul. Tu me verras demain. Oui. Promettez-moi une chose, à la veille du prochain jour férié, vous venez passer une soirée au cabaret. Faites-moi plaisir. Je ferai mon possible. Faites-moi plaisir. Dites-moi que vous viendrez. C'est entendu, Gustave. Vous égayez ma journée. Gardez la monnaie, mademoiselle Joséphine. Ah, merci. Des fleurs coupées, des fleurs fraîches, messieurs, dames. Des fleurs coupées. Mais je comprends rien. Comment ça, tu comprends rien? Bah, j'ai pas compris. Je trouve ça quand même super difficile, les mathématiques. Je te réexplique, Sophie. Si x au carré... Stop! Ça mérite une chanson, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez un style de musique pour que le papa, Gustave, explique à sa fille? Voilà, il aime bien. Du funk. Moi, j'aime bien du funk. Wow, hommage à James Brown. Un peu du funk à 11h du matin, merci. Ok, ok. Je prends des notes, papa. Note bien ce que je vais te dire. Note bien, ce sera pas pire. Si x au carré plus y au carré égale z. Égale z. Si x au carré plus y au carré égale z. Égale z, z, z, z. Alors z... Z égale X au carré plus Y au carré. Z égale X au carré plus Y au carré. C'est mathématique. Plus Y égale au carré. X au carré. Thank you. tu fais un cercle bien rond, ça sert à rien de chercher les côtés. Je note C, égale X au carré, X plus Y, X plus Y égale X au carré, égale X au carré, X au carré, égale X plus Y, égale X au carré, égale X au carré, X plus Y, X au carré, égale X plus Y. Voilà, ça me fait plaisir de t'avoir aidé. Alors, moi j'aimerais bien voir Gustave chez son psy. Oui, c'est très intéressant, Gustave. Mais pouvez-vous m'en dire davantage? Vous m'avez dit que toutes les nuits se ressemblent. Vous dormez peu, n'est-ce pas? Oui, je ne dors pas. Enfin, en tout cas, pas la nuit. C'est mon métier qui veut ça. C'est très intéressant, Gustave. Je sieste parfois la journée, mais parfois je ne sieste pas. Et du coup, j'enchaîne les nuits sans sommeil. Écoutez, mais... après ce rendez-vous hebdomadaire, je vais vous poser une question peut-être un peu particulière. En effet, il y a une chose dont nous ne parlons jamais, Gustave, et c'est... Ah oui. Oui. C'est votre cœur. C'est important, vous savez, dans la psychologie kantienne freudienne. Mon cœur. Voyez-vous, mon cœur a été brisé lorsque j'étais très jeune. Mm-hmm, c'est intéressant. Et une nuit de 1982, la femme que j'aimais m'a brisé le cœur et est partie... acheter des allumettes. Et elle n'est... Mais elle n'est jamais revenue. Ceci explique cela. Oui, du coup, j'ai décidé de monter ce cabaret en 1983 afin que chacune de mes nuits soit occupée et que plus jamais, je n'ai de nuit à affronter. Continuez. C'est très intéressant. En fait, je dois vous avouer, oui, qu'à force de m'occuper, oui, de toutes mes danseuses et de tout mon personnel, je fais tout pour l'oublier, elle. Car elle m'a brisé. Elle vous a brisé. Elle m'a détruit. Elle vous a détruit. Elle m'a brisé. Elle vous a brisé. Elle m'a détruit. Elle vous a détruit. Elle m'a brisé. Elle vous a brisé. Elle m'a détruit. Elle vous a détruit. Elle m'a brisé. Elle vous a brisé. Elle a détruit ma vie. Oh oui. Aujourd'hui, oui, ce que je souhaite, oui, au plus profond, oui, de mon cœur, oui, c'est de trouver le bonheur. Ce que je ressens, c'est de vibrer, oui, en dedans. Vous êtes bien sur la 42e rue de France Musique et vous vivez une expérience originale, exceptionnelle, inédite, puisque une troupe de comédie musicale improvise devant vos oreilles et devant le public du studio 105, une comédie musicale inédite dont le titre a été tiré au sort. Ça s'intitule Les fruits de Shinkuji. C'était une proposition de Sylvaine Benezet, qui est une auditrice de France Musique. Elle nous a demandé que ça se déroule dans un bar, durant la nuit. Et vous l'avez entendu, la troupe de New à un maître de cérémonie qui s'appelle Florian Bartsch, qui a une petite sonnette. Et quand il appuie dessus, ça interrompt, ça freeze, ça gèle un petit peu les acteurs. Et il peut se permettre comme ça de faire une interaction avec le public qui est dans la salle. Florian, racontez-nous un petit résumé de tout ce qu'on a entendu. Donc, en fait, là, le moment le plus important vient d'arriver. C'est-à-dire que c'est ce que vous appelez, ce qu'il y a dans toute bonne comédie musicale, la « I wish song ». On a compris que le personnage principal, ce qu'il voulait dans la vie et ce qu'il voulait dans cette comédie musicale, c'est ça ? Exactement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'acte 1 de notre comédie musicale ? C'est une cabaret nocturne. Donc, les improvisateurs ont choisi de créer un univers de cabaret nocturne avec le maître Gustave, qui a créé cette cabaret en 83. Il trouve parfois des collants bleus, c'était choisi par le public. Mais il y a des danseuses qui sont très, très sous le régime dur de prof de danse Théo. Et également, ils font beaucoup attention à leur poids. Après, on a découvert aussi que Gustave est papa d'une petite fille auquel elle explique des maths de manière funk. Et il voit un psy, donc dans ces psy, il est venu de l'I Wish Song, donc la quête du héros, donc le thème du héros, qui essaie donc de soigner son cœur brisé et trouver le bonheur. Antoine Lefort, bonjour. Bonjour. Vous êtes au piano et c'est vous qui... Vous êtes le directeur musical. Mais comment ça se passe exactement ? Donc là, le public a dit « je veux du funk » et vous démarrez au quart de tour. Vous avez toutes les grilles musicales dans votre tête de n'importe quel style ? On essaye de faire tous les styles possibles. C'est notre challenge, donc on travaille beaucoup pour ça, pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Comment on répète une pièce de théâtre musical improvisée ? On décompose tout ce que c'est qu'une comédie musicale. Donc c'est des scènes, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est des rimes, c'est tout un tas de choses. Et en fait, c'est simple, on met tout à plat et on répète chaque chose les unes après les autres. Et ensuite, on rajoute élément par élément. On met de la danse, puis on rajoute des refrains, puis on essaie de faire rimer ces refrains, puis on essaie de nous développer dans l'espace, etc. Mais vous, au départ, enfin, c'est presque du jazz que vous faites, c'est-à-dire que vous vous improvisez comme des musiciens de jazz. Vous pouvez nous présenter en quelques mots, parce qu'on va vite retourner à l'histoire et à l'acte 2, mais vos musiciens ? Mais Peter Corser, qui est un éminent jazzman, c'est improvisateur émérite. Nicolas Didier, qui est un percussionniste qui vient du monde du classique, mais qui est aussi à l'aise avec tous les types de musique. Et William Rollin, qui est auteur-compositeur et qui écrit et qui sait aussi tout faire. Quoi. C'est ça, nous, on veut des musiciens qui savent tout faire. Bon, William, c'est un rocker. J'ai le droit, moi aussi, de demander un style musical à un moment. Tout à fait. Pendant que vous allez vous installer à nouveau au piano pour suivre la suite de cette comédie musicale improvisée en direct, j'aimerais bien un style Broadway à un moment quand même. Mais comme tu veux, on adore le Broadway et le West End. Vous me demanderez à un moment quand vous mettrez votre petite sonnette. Avec plaisir. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, l'acte 2 des fruits de Shinkuji improvisé pour vous par la troupe de New en direct sur la 42e rue de France Musique. Mademoiselle Joséphine, bonjour. Je viens, comme chaque matin, vous chercher des fleurs pour mes danseuses. Alors, cette fois-ci, nous avons des jonquilles. Des jonquilles, très bien. Ce sera parfait aujourd'hui pour Barbara. Et quelques roses. Merci, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Gustave ? Vous êtes... Enfin, je ne veux pas vous ennuyer avec mes problèmes. Mais non, pas Joséphine. Du tout. Joséphine. À vrai dire... Vous faites une tête, vous êtes tout blanc. Ben, c'est-à-dire que vous êtes la seule personne à qui je peux en parler, je crois. Freeze. Il va le dire avec un proverbe qu'il va improviser, qu'il va inventer. Parce que les proverbes expliquent bien les choses. Vous savez... La vie, c'est comme... une fleur coupée. Si on ne l'arrose pas régulièrement, elle fane. Elle fane, oui. Ouais. Remarquez, ça marche aussi avec les plantes et les arbres fruitiers. Absolument. Et les cactés aussi. Et les cactés, oui. Également. Enfin, bref, je suis arrivé à un moment où il faut... je vais devoir arroser ma vie. Enfin, je veux dire, il va falloir que je... C'est-à-dire que je suis arrivé au bout d'une impasse, mademoiselle Joséphine. Et j'ai réalisé chez mon psychiatre, enfin, chez ma psychiatre, que... Votre psychiatre ? Oui, je vois une psychiatre, mais enfin, ça fait pas bien longtemps, hein, ça doit faire une douzaine d'années. Et du coup, voilà, j'ai compris ce qui me bloquait, ce qui me perturbait. C'est un souvenir. Un souvenir ? Joséphine, oui, je suis bloqué en 1982. Oh ! C'était une bien belle année, oui, en même enfin, temps. C'était une bien mauvaise année pour moi, pour tout vous ah dire. Oui, pardon, enfin, je vous prie de m'excuser, mais... Elle me bloque, son souvenir me hante. Mais qui ? Une femme. Avec qui j'ai partagé quelques jolis moments. Et qui, un soir de 1982, s'est en allée chercher des allumettes. Comment et ça, mais c'est revenue. Tragique. Oui, et depuis, son souvenir me hante. Je cherche à l'oublier chacune de mes nuits, mais son souvenir me hante. Mais il faut absolument la retrouver. Comment est-ce que vous pourriez faire ? Vous avez une adresse, un papier, un nom de famille, un prénom, un surnom, un pseudonyme, quelque chose, n'importe quoi. Il ne me reste rien à part son odeur. L'odeur de son parfum. Il ne me reste rien à part son odeur. Aller la chercher, que je dois la retrouver, que c'est le seul... Gustave. Mais oui, c'est ça. Le seul moyen de me débloquer de 1982. C'est maintenant que vous le dites. C'est de partir à sa recherche. Émilie, je ne peux pas attendre très longtemps. Que fait ton papa ? Tous les soirs, c'est la même chose. Je sais pas, il est juste en retard. Oui, tous les soirs, il est en retard. Enfin, l'heure, c'est l'heure, ma chérie. J'ai aussi une vie de famille, moi. Hein? Tu sais. Et ta maman, elle peut pas venir te chercher. Ma maman, oui. Elle est pas là. Oui, oui, justement. Je sais bien qu'elle n'est pas là, parce que sinon, tu serais pas avec moi, évidemment. Donc, ta maman ne peut pas venir te chercher. Non, ma maman, elle est partie il y a très très longtemps et elle n'est jamais revenue. Ah, ben voilà, ben ça. Mais c'est à cause des allumettes, il dit, papa. Oui. Oui, ben en attendant, tous les soirs, c'est comme ça. Je vais m'en plaindre. Et il faut pas être méchant avec mon papa. Non, je sais très bien que tu n'y peux rien, mais... Bon, viens avec moi, on va aller dans le réfectoire, j'ai besoin d'un café. Avance ta charrue. Tu es beaucoup trop nerveux. Évidemment, je suis nerveux, on doit être dans 10 minutes, c'est le comptable. Oui, bah oui, bah je sais bien, enfin, ne me hurle pas dessus. Fallait pas prendre les boulevards. Oui, fallait pas prendre les boulevards. Bah, je t'avais dit qu'il fallait justement pas prendre les boulevards. Énervé ce matin, je n'aime pas être en voiture. Bon, alors, ce n'est sans doute pas le bon moment, mais je dois t'avouer quelque chose, je... Je vais te laisser quelque temps diriger le cabaret, je dois partir. Oui, bah je t'écoute. Je t'écoute. Bah ça y est, je t'ai tout dit. Enfin, c'est-à-dire que je dois partir quelques jours, donc je vais te laisser gérer le cabaret. Je pars à la recherche de... Attends. T'as pensé à régler ton frein à main, il fait un drôle de bruit. Tu... Enfin, on verra plus tard, on passera chez... Tu pars, viens, tu me confies... Je te confie le cabaret. Oui, je sais, c'est pas le bon moment, tu es très énervé, on est au milieu d'un embouteillage. Non, alors tu vois, ça justement, ça c'est le genre de nouvelles qui me détend. Ah bon? Ouais, eh ben tu sais quoi? Soyons audacieux, puisque j'ai mis le frein à main, descendons de la voiture et finissons en métro. Allez. Oui, c'est audacieux. Vas-y, passe devant, je te rejoins. Voilà qui sent bon. Je vais me faire plein de bifetons. Un bal sans son patron. Ça, c'est folichon. Attention les filles, demain Théo entre en jeu. Faites tomber l'hérésie, non, il va falloir faire mieux. Je saisis ma chance, j'avance. Et demain cet endroit sera à moi. De Bordeaux, Münster. Hein. On est plutôt dans une qualitatif nasal, avec une pointe d'acidité. Alors, je comprends, mais c'est le côté Münster qui ne me va pas. J'ai pas dit fromage. Oui. J'ai dit fruité, en fait. Vous avez peut-être mal... Oui, tout à fait. C'était fruité, alors, madame. Fruité. Oui. Elle avait quelque chose de fruité. Je vous explique. Je me suis dit que si je retrouvais son parfum, le parfum exact, peut-être que je pourrais remonter jusqu'à la source. Alors, si vous essayez celui-là, là... Ah oui, c'est fruit très mûr alors là. Oui, on est sur du jasmin, hein. C'est du jasmin. Vous n'avez pas avec... quelque chose de plus du plus. Mais écoutez, monsieur, enfin les fruits, ça ne se porte plus. Les fruits, ça ne se porte plus. Que dites-vous? Quelque chose de plus oriental peut-être. Des fruits. D'oriental, du musc. Mais bien sûr, nous avons du musc à vous proposer. Alors il y a de l'ambre, c'est très coloré, ça porte très fruité, très bien, exactement. Des fruits. D'Orient. Enfin, un parfum fruit d'Orient. Mais dans l'Orient, c'est le désert, monsieur, il n'y a pas de fruits. Enfin. L'Orient, c'est le désert. Mais non, mais je ne parle pas de la Bretagne. Oh, écoutez, vous m'insupportez, sortez d'ici. Vous ne trouverez pas ce parfum, de toute façon. On n'a plus de parfum de fruits. J'ai ici tout ce que vous voulez. Vous avez essayé déjà 50 parfums. Je n'aurai plus rien à vous ajouter d'autre, monsieur. Bon, bah écoutez, je... Vous connaissez un parfumeur d'Asie? Enfin, je sais pas. Mais sortez, monsieur. Mais non, mais un parfumeur de... Dites-moi, enfin, je sais que c'est un de vos concurrents, mais enfin, un Vietnamien, un Coréen, un Chinois, un Japonais... Vous savez qu'il faut monter tout là-haut, dans le nord. Ah bah, je monterai dans, dans le nord si de la ville. Eh ben, allez-y, mais trouvez vous-même. Je ne vous aiderai pas. Et puis, de toute façon, les clients comme vous... Ah bah non, mais c'est pas possible. Ben, j'irai. J'irai, je vous assure, j'irai. C'est la première fois que je découvre une parfumerie comme celle-là, je veux dire. Chocolat, attendez. C'est très important de marcher petit pas. Le sol est verni. Petit pas, le petit sol est verni. Ah oui, bien sûr. J'ai failli glisser en rentrant, je pensais qu'il était... Socratia, vous cherchez quel parfum? Je cherche quelque chose de fruité, elle portait quelque chose de fruité. Fruit, c'est quoi? Oui. Est-ce que c'était de litchi? Est-ce que c'était... Ah, peut-être quelque chose de litchisant, oui. Oui, peut-être bien. Vous me disiez que c'était fille, personnalité, beaucoup, beaucoup personnalité. Oui, je me suis demandé même si elle fabriquait pas son parfum elle-même. C'est une femme qui fait son parfum sur mesure chez Cotina. Oui. Non, ah non, non, elle ne le faisait pas elle-même, mais elle le commandait sur mesure. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Je pensais... Elle allait voir un vieux monsieur. C'était mon père. Soyez respectueux. Bah, votre père était vieux, peut-être. Est-ce que votre père était vieux en 82? Ce qui expliquerait qu'il ne soit plus là, d'ailleurs. Enfin, je... Shinkuchi. Serait-ce les fleurs de Shinkuchi? Très respectable homme. Oui, probablement, oui. Quelque chose comme cela, oui. Probablement. Est-ce que vous avez une cliente qui vous achète ce parfum? Oui. Femme, 35 ans, personnalité beaucoup, beaucoup. Manteau de fourrure. Fleur Shinkuchi. Oui. Shinkuchi roi. Si comme... je peux me permettre, elle doit faire 35 ans, mais elle a bien plus maintenant. Mais mon père n'a pas actualisé les notes. Oh, mais je veux dire, elle vous commande toujours ce parfum? Bien sûr. Dites-moi que vous lui livrez chez elle et que vous avez son adresse. Non, il s'est trompé sur l'âge, alors il n'a pas actualisé les notes, mais c'est un petit piste. Shinkuchi roi. Répondez-moi, vous avez son adresse? Si ce n'a pas changé, c'est cette adresse. C'est l'adresse que je vois écrite là, sur ce carnet? Si, si. Permettez. Je vous ramènerai la feuille. Papa, me voilà, la maîtresse. Elle veut que tu y viennes la voir. Oui, alors là, je peux pas, parce que je suis repassé vite fait à la maison. Mais oui. je vais pas pouvoir y aller maintenant. Bah, il va falloir que tu peuves. Parce que moi, à chaque fois, je t'attends, à chaque fois, tu viens pas. Oui. À chaque fois, elle demande, il est où ton papa? Après, elle dit, il est où ta maman? Je dis, non, maman, elle est pas là, elle est partie acheter des allumettes. Et puis après, voilà. Et moi, après, je me fais disputer. Alors, s'il te plaît, va voir la maîtresse et oui. Tu lui expliques. C'est tout. Vous êtes formel, hein, maître Goulag? Absolument. C'est un abandon de poste. Ah, tout à fait. Donc, votre client ne peut absolument pas demeurer en poste. Nous allons faire le nécessaire pour pouvoir le congédier. Écoutez, maître, c'est très simple. Vous allez tout de suite me faire un nouveau papier qui prouve que je suis bien le nouveau propriétaire de l'établissement. Mais tout à fait, monsieur. Et nous allons envoyer tout de suite, internos, je vous le dis, des huissiers ainsi que tout un trafalgar de policiers pour pouvoir évacuer ce genre d'indépendants impertinents. Merci, maître, merci. De faire tout en... Le cabaret sera à moi. C'est presque fait. Mon heure est là. Je vais enfin diriger le cabaret que je convoite depuis des années. Oui, je vais enfin diriger le cabaret dont j'ai rêvé. Ça sera la fin de acte 2. Vous êtes en train de découvrir en direct sur France Musique une comédie musicale complètement improvisée par une troupe qui s'appelle New et qui improvise régulièrement des comédies musicales. J'ai besoin. Bonjour Cléo Uri. Bonjour. Bonjour Pierre Babola. Bonjour Laurent. On répète comment ce genre de choses? Vous êtes comédien, vous improvisez là les dialogues, vous êtes en train d'improviser les chansons. On répète comment ce genre de choses? On répète comment ? On fait des... En fait, on répète en atelier. On répète à la fois le côté chanson, puis le côté improvisation, puis aussi le côté danse. Donc, on peut travailler par discipline. Ensuite, on s'entraîne. Et puis, on a quand même quelques petits codes qu'on met au point entre nous. Voilà, entre autres, musicaux surtout. Parce que... Oui, ce qui est sûr, c'est qu'on répète souvent. Très franchement, dans tout ce que j'ai fait comme spectacle, c'est celui que j'aurais le plus répété. Mais on répète quoi ? Donc c'est vrai que vous apprenez par exemple par cœur le dictionnaire des rimes ? Non, on a quelques ruses. Je vous la donne ou je la donne pas ? Oh, on est entre nous, vous pouvez... Bon alors d'accord, donnez-moi un mot. Saperlipopette ? Saperlipopette, la ruse est de le garder pour la deuxième rime. C'est-à-dire, hier j'ai entendu un mot super chouette, je l'ai gardé dans la tête, saperlipopette. Merci. On a hâte d'avoir, de voir le troisième acte. Je demande à Florian, le maître des cérémonies, le résumé de tout ce qui s'est passé pour les auditeurs qui sont derrière leur poste. Vite fait, donc, dans le deuxième acte, on a découvert que Gustave doit partir. Il n'explique pas trop où et comment. On a découvert que son cœur est brisé par la maman, dans son ex-femme qui est partie pour chercher les allumettes. A priori, les allumettes, c'est important. Et Théo, son bras droit, a priori, il va s'approprier de cabaret et l'acheter. Donc, il fait un mauvais coup. En même temps, Gustave est en recherche d'un parfum pour retrouver, a priori, son ex-femme dans les parfumeries japonaises d'où il a trouvé donc, l'ancien nez. Je pense que les créateurs de parfums, on les appelle les nez, n'est-ce pas ? Tout à fait, qui s'appelle Shinkuji, donc prometteur à l'acte 3. La comédie musicale que New improvise ce matin en direct sur France Musique, donc vous avez les dialogues et les chansons, s'intitule « Les fruits de Shinkuji ». Le titre a été tiré au sort tout à l'heure à 11h. Elle est interprétée par la troupe de New. Voici l'acte 3. Ouais, c'était bien les filles. Je fais un petit break là. Ouais. Soyez bonnes, mais buvez de l'eau. Oh merde. Gustave, c'est toi ? C'est moi, Léo. Ok. Elle a déménagé. Attends, de quoi on parle ? Elle n'habite plus à l'adresse indiquée. Toi non plus. Non. De qui on parle ? De celle que je suis allé chercher, de mon être aimé, de mon souvenir de 1982. Elle a déménagé, elle a quitté son appartement, elle n'a pas laissé d'adresse. J'étais ridicule, j'ai trouvé une famille très sympathique, hein, au demeurant, mais enfin, qui n'avait aucune nouvelle d'elle. Mais tu n'as pas eu... Non. Enfin bon, voilà, tout ça est un souvenir. Voilà, écoute, c'est comme tous les souvenirs, c'est appelé à disparaître. Hein, voilà. Oui. Alzheimer ou pas. Je suis content de revenir. Voilà, je vais retrouver la niaque. Oui. Je vais tout redonner pour ce cabaret que j'ai mis quand même un temps fou à monter. Et je suis hyper content de revenir. Merci d'avoir tenu la baraque pendant que j'étais pas là. Et bah, du coup, comme tu adores les proverbes, je vais me permettre. Oui. Quand on quitte le navire, oui. Parfois on chavire. Mais même si la mer est calme. Enfin, je veux dire, si on est sur une barque un peu sûre et que... Je crois que tu ferais mieux de t'asseoir. Car j'ai un truc à t'annoncer qui va faire comme un rideau noir entre nous. Je suis embêté, mais tu sais comment fonctionne notre métier. Oui, tu sais que si tu laisses ta place, tout de suite, un autre viendra s'y mettre. Pourtant, Gustave, tu étais lasse. Mais oui, mais ça y est, je suis revenu. Enfin, oui, mais Gustave, tu n'es plus le maître. Désapproprié, tu t'es fait désapproprier. Tu n'es plus chez toi. D'ailleurs, tu peux rentrer. Oh, désapproprié, tu t'es fait désapproprier. Tiens, je te te laisse ton écharpe pour pleurer. Mais si, c'est absolument incroyable. Je pense que vraiment, cette dame, elle avait un parfum assez particulier, assez oriental. Vous m'aviez dit ça, Gustave, n'est-ce pas ? Oui, je vous ai dit ça, mais enfin, je crois que ça n'a plus aucune importance. Vous savez, j'ai tout perdu, Arrêtez votre tête de linotte, écoutez-moi pour une fois. Je lui ai donné rendez-vous dans la brasserie en face du cabaret. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais on s'en fiche. Qui ne tente rien n'a rien, non ? Mais elle sentait un parfum de fruits, un parfum litchisant. Je crois que oui. De chez monsieur Kinjo Kinjin. Si vous n'essayez pas de la rencontrer, vous ne pourrez pas voir si c'est elle ou pas, non ? Allez, ça suffit. Comment je suis, mademoiselle Joséphine ? Comment je suis ? Enfin, je ne l'ai pas vue depuis 1982. La première impression est très importante. Gustave, vous êtes parfait. Ne changez rien, allez-y. Non ? Oui. Bon, j'y vais, alors. Je voudrais un jus de carottes avec de la mangue, et est-ce que vous avez des fruits exotiques aussi ? Si vous pouviez mettre un peu de papaye et de choses comme ça. Je vais faire mon maximum. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous en prie. Monsieur. C'est drôle de se retrouver ici, si près. Bon. Quel beau café. Du coup, final tout de suite, quoi. On n'a plus qu'une minute. J'y ai passé de beaux moments. Il y a tellement longtemps. Ça me rappelle. Je suis bouleversée. Un tour qui est passé, finalement. Elle n'a quasiment pas changé. Si j'avais osé, j'aurais regardé sur le trottoir d'en face. J'ose à peine m'approcher. C'est moi. Pardonne mon air un peu grave. C'est moi, Gustave. Pardonne mon air un peu grave. Quelle étrange sensation. Dans mon cœur des palpitations. Je ne m'y attendais tellement pas. Ce coup de cœur, il est pour moi. Oh, cet homme, je l'ai aimé. Puis je l'ai abandonné. Enfin, le retrouver, je ne sais pas par où commencer. Mais la troupe New a créé, improvisé pour vous sur France Musique en direct ce matin une nouvelle comédie musicale dont le titre était Le fruit de Shinkuji qui s'est déroulé dans un bar dans la nuit. Je vous propose de féliciter et d'applaudir Florence Alérac, Chloé Horry, Perrine Maigret, Pierre Babola, Thierry Bilisco, les musiciens, Antoine Lefort, William Rollin, Nicolas Didier, Peter Corsair. Sachez que nous avons filmé cette représentation. Vous pourrez la voir bientôt en ligne sur francemusique.fr et que New sera en représentation une fois par semaine au théâtre très vite, tous les mardis soirs à partir de novembre à Paris. Merci à Florian Bartsch et toute la troupe. Merci aussi à notre improvisateur en haut, là-haut, au son. C'est Jason Taous, parce que voilà, on n'a pas pu faire de balance avant le spectacle, qui a fait la prise de son de cette émission avec Eric Villenfin, Julie Garraud, Tar Bouklifa, Dalia. Merci à Elisabeth Gornet. Merci à Martine Monique qui a préparé cette émission. Et merci à Perrine Mindy qui l'a réalisée.